Chapitre 4. Il expira sur ces mots. Ce fut un vrai chagrin parmi ses amis, car c'était un des plus braves cœurs de la nouvelle génération. Toujours gai, spirituel, avant son malheur, c'est-à-dire avant sa passion, avant son écurie. L'ami d'Arthur connaissait Mademoiselle de Montagnac. Il était si indigné du jeu qu'elle avait joué, il était si désolé de ce tragique dénouement, qu'il n'hésita pas à aller chez la grande coquette des sportsmen, non pas avec la tête de son ami sur un plat d'argent, mais avec toutes les colères comprimées d'un galant homme. On fit quelque façon pour le recevoir. Enfin, malgré les préparatifs de la noce, il pénétra dans le petit salon, presque dans le cabinet de toilette de Mademoiselle de Montagnac. Aux premières paroles, elle se laissa tomber sur un fauteuil comme une femme qui s'évanouit, mais elle se remit bientôt. « Votre ami, dit-elle en le prenant de haut, était un fou que j'ai voulu sauver de son néant. Il voulait jouer à la haute vie et n'y entendait rien du tout. « Pardon, mademoiselle, qu'est-ce que la haute vie? Vous le savez bien, c'est la mienne, c'est la vôtre, c'est le high life. « Ah oui, je comprends. C'est celle qui commence sur un break, qui se continue au pesage, qui s'épanouit au départ et à l'arrivée, qui enfin fait un tour de valse éperdu pour bien finir sa journée. J'oubliais. Il y a aussi l'opéra et le sermon comme hors d'œuvre. Eh bien, mademoiselle, je suis revenu de cette vie-là. Et ce n'est pas ma faute si mon pauvre ami s'y est jeté la tête la première, parce qu'il vous aimait. Il m'aimait. Voilà un mot hors de saison. Il m'aimait. Mais tout le monde m'aime. Je ne peux pas épouser tout le monde. D'ailleurs, vous savez bien qu'on n'aime plus. Ah oui, vous voulez dire que c'était bon en temps de l'âge d'or. Mais aujourd'hui que nous sommes sous l'âge de l'or. Mademoiselle de Montagnac eut un mouvement de dépit car elle épousait des millions. Enfin, monsieur, votre ami a fait une bêtise. S'il lui faut une larme, je la lui donnerai. Mais de grâce, brisons-la. Elle s'est élevée. L'ami d'Arthur se leva. Je comprends, mademoiselle. Il y a des courses aujourd'hui. Seulement, je dois vous dire encore un mot. Mon ami m'a nommé son exécuteur testamentaire. Voici le premier article de son testament. Tu porteras ma tête sur un plat d'argent à Mademoiselle Salomé de Montagnac. Laure fit semblant d'éclater de rire. Voilà qui est original et inattendu. Et que ferez-vous, monsieur? La voix de l'ambassadeur siffla comme un serpent. Je remplirai mon rôle d'exécuteur testamentaire. Il sortit et salua avec des larmes et des lames dans les yeux.